Sortez dehors, allez, tout le monde. Bastia, à boire. Je regarde, messieurs, mais il commence à se faire tard. Et je suis obligé d'observer les règlements. Vous savez que le corrigidor est assez mal disposé à mon endroit. Non, c'est parce que ton auberge est le rendez-vous de tous les contrebandiers de la province. Dieu sait ce qui se passe dans ton auberge une fois qu'elle est fermée. De toute façon, messieurs, c'est l'heure. Enfin, nous avons encore le temps avant l'appel d'aller passer une heure au théâtre. Vous y viendrez avec tous les belles. Non, messieurs, nous restons ici. Comment ? Et toi, Mercedes ? Impossible. Et toi, Carmen ? Je suis bien sûr que tu ne me refuseras pas. Je refuse. Ah, tu m'en veux parce que j'ai eu la cruauté de t'envoyer en prison. En prison ? Moi ? le brigadier qui t'a laissé filer, on l'a dégradé. Il vient de sortir après un mois de prison. Il en est sorti ? Ah, tout va bien alors, tout va bien.